بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Mais non, vous saurez bientôt. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Encore une fois, vous saurez bientôt. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Vous verrez certes la fournaise. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices.